Bon, je m'appelle Simone Spezial et je suis au CPT, c'est le Centre de physique théorique de Marseille. C'est situé à Lumigny, dans le parc des Calanques. Et comment je suis arrivé ici, c'est au bout d'un long parcours. C'est commencé, je pense, quand j'étais très petit. Je pense que de ce point de vue, ça arrive très souvent que les gens qui terminent à faire de la physique théorique ont eu un parcours de grosses curiosités quand c'était enfants. Quand on se demande pourquoi trop de fois, suivant, on termine à faire de la physique théorique. Donc pour moi, la phase... Quand j'avais, je sais pas, 4 ou 5 ans, de demander pourquoi à tout le monde, ça continuait longtemps, ça continue tout le temps. Et donc, ça n'a pas empêché, par contre, que j'ai pris des directions pas évidentes. Parce que, par exemple, au lycée, moi, j'ai fait des études classiques. Donc, j'ai étudié aucune mathématique avancée, aucune physique. On avait, je pense, 2 heures de mathématiques par semaine. Et une heure de physique par semaine, mais que dans les derniers 3 ans. Donc j'étais pas vraiment du tout trop préparé. Par contre, on faisait 5 heures par semaine des grecs anciennes. Donc ça, j'ai trouvé très très utile parce que ça permet de préparer les cerveaux. C'est un entraînement. Le cerveau, c'est comme un muscle. On l'entraîne à résoudre des problèmes. Peu importe qu'ils sont des problèmes mathématiques ou en effet, je trouve peut-être mieux de faire des problèmes comme ça classiques parce qu'ils sont un peu plus général. On fait marcher les cerveaux d'une façon un peu plus ariée, si je peux dire. Donc ça touche beaucoup des notions différentes. Donc j'ai bien aimé de faire ça. Par contre, quand je suis après allé à l'université, donc là j'ai pris physique, donc première journée, première matinée de mes cours de mathématiques, c'était calculus. J'ai rien compris. Le premier jour, c'était affreux. J'ai vraiment rien compris. Et je me rappelle que, surtout, ils expliquaient une notion mathématique, c'est la notion des limites. Et que moi, je n'avais pas fait au lycée, donc j'ai aucune idée. Mais dans cette définition des limites, il apparaît à un moment donné les symboles nus ou ni. Je ne sais pas si en français vous prononcez nu ou ni, parce qu'ils s'utilisaient pour déterminer une certaine situation au-delà de laquelle les valeurs de la succession est plus petites d'un epsilon établi. Donc c'était une notion mathématique abstraite que je n'avais pas du tout compris. Donc à la fin du cours, je suis allé vers les premières bancs chercher quelqu'un qui avait l'air un peu geek. Je dis, les gars là, il doit être expert. Lui, il a compris, je suis sûr. Alors, je vais lui poser la question. Excuse-moi, moi, j'ai vraiment rien compris. C'était horrible. Qu'est-ce que c'est, ces nids? Et lui, mais rien. Mais enfin, ah oui, je sais, plusieurs gens savent pas, mais ça, c'est aux lettres de l'alphabet grec. Je dis, ah non! Ça, c'est la seule chose que je savais. Donc, du coup, c'est commencé très, très mal. Mais ça a eu l'avantage que, de première journée, j'ai commencé à bosser comme un fou. Et finalement, statistiquement, au moins en Italie, les gens qui venaient du lycée classique, ils performaient mieux que les gens qui venaient du lycée scientifique. Un percentuel, parce qu'il y en avait moins. Mais la performance était meilleure. Donc ça a bien enchaîné, finalement. Et ça, c'était... Donc j'ai commencé, c'était... Quand 99. Et donc c'était à l'université La Sapienza de Rome. Il y avait un joli cours. Des physiques théoriques, on était... Bon, c'est des physiques en général, les cours de laurea, comme on s'appelle en italien, et on était 400 à la première année. Ça, c'est important à remarquer, parce que maintenant, pour avoir 400 à Rome, il y a encore un noyau bien solide, mais je crois qu'ils sont descendus à 150 à la première année. Ici, on est à Marseille, c'est beaucoup plus petit. Je ne connais pas exactement les numéros à la première année, mais je sais qu'à la quatrième année, il n'y a qu'une vingtaine d'étudiants. Donc, aussi, le numéro initial, ça doit être entre 50 et 100 étudiants. Donc, ce n'est pas beaucoup. Et ça, c'est très dommage, parce qu'il faut vraiment des gens qui étudient aussi des choses fondamentales. J'ai l'impression que maintenant, les jeunes sont plus intéressés par des domaines... sur lesquels ils ont l'illusion qu'ils vont trouver facilement un boulot et ils arrêtent vraiment de chercher à comprendre qu'est-ce qu'ils aiment faire vraiment. Et avoir un peu plus de gens qui s'intéressent à la science dure, ça sera très bien. Donc, quand j'ai des, j'aime bien quand j'ai des opportunités de parler aux jeunes lycéens. J'en ai eu une l'année dernière à Lyon, à Vouin-Velin. C'était très bien parce que j'avais l'impression que souvent à l'école, les études, la science, comment dire, bon, les choses sont comme ça. Voilà, donc si vous voulez, vous l'apprenez et ça termine là. Mais c'est pas du tout vrai, en fait. On ne sait pas vraiment comment sont les choses. Et plus on les connaît, et moins on les sache. Il y a une image très sympa de la connaissance scientifique comme une espèce d'île entournée par l'inconnu. L'inconnu, c'est la mer. Et qu'est-ce qu'on connaît? C'est la surface de l'île. Et plus à plus, quand on monte notre connaissance, on augmente la surface de l'île. Mais si on augmente la surface de l'île, on augmente aussi son périmètre. Donc on augmente aussi l'interface avec l'inconnu. Brèvement, plus on connaît, plus on découvre des choses qu'on ne connaît pas trop, en effet. Et ça, c'est vraiment le cas. Et c'est vraiment l'histoire de la science, en particulier de la physique. Et donc, c'est bien que des gens continuent à rentrer dans les domaines. Surtout, des problèmes durs comme celui de la gravité quantique, on en parlera tout à l'heure, qu'il faut vraiment des gens avec des nouvelles idées. Il faut vraiment... Ça fait un moment qu'on attend des petites révolutions qu'il nous manque encore. C'est très dur. Donc, c'est bien d'encourager les gens à venir. Et moi, j'ai pris cet intérêt... comme je disais, depuis que j'étais petit, je me posais beaucoup de questions que petit à petit m'ont amené à des questions sur l'aspect fondamental de la nature, les aspects fondamentaux de l'univers. Et donc, quand je suis arrivé à la quatrième année de physique à Rome, j'ai pris le choix de travailler en physique théorique et particulièrement de m'intéresser au problème de la structure microscopique de l'espace-temps. Que c'est encore en effet mon sujet principal de ma recherche. Et donc après ça, il m'a porté à faire une thèse. Je fais une thèse à moitié entre Rome et Cambridge en Angleterre, qui c'était très important pour moi parce qu'il m'a permis de développer mon indépendance et ouvrir un peu mes yeux aussi à des approches différentes. Parce qu'une autre chose importante, c'est que pas seulement les choses sont toutes bien connues, la direction où il faut aller, elle n'est pas du tout connue. Il y a vraiment, c'est vraiment un inconnu, un terrain nouveau, il faut essayer plusieurs chemins. Comme ils disent, comme ils s'appellent, Machado, il n'y a pas vraiment de chemin, sont tes empreintes, c'est ça qu'ils ont dit, c'est ça qui fait les chemins. Et donc c'est à toi d'essayer d'un côté ou de l'autre, voir où t'amènes. Et donc ça c'était très important. Et quand j'ai terminé ça, j'ai eu la chance d'être recruté dans un nouveau centre de recherche, moitié privé, moitié public. C'était quelque chose de tout nouveau et de super intéressant. Ça, c'est au Canada. Et tout le monde, maintenant, connaît les BlackBerry, même si là, il y a un iPhone. Bon, là, c'est la concurrence. Mais ça, c'est une histoire très, très belle parce que les chefs, un des deux chefs de BlackBerry, bon, maintenant, il a démissionné à cause de la crise, mais jusqu'à l'année dernière, les créateurs, un des chefs, qui s'appelle Mike Lazaridis, lui, il est, je crois, ingénieur, mais en tout cas, il a fait des études de physique, il avait ce rêve d'aider la physique théorique d'une façon ou l'autre. Et donc, au 99, il a commencé à créer tout ça. Il a créé un fonds de 100 millions de dollars pour créer un nouveau institut de physique théorique dans son village d'origine qui s'appelle Waterloo, rien à voir avec la Belgique. C'est pas loin de Toronto, en fait, au Canada, donc pas loin des chutes de Niagara, pour comprendre un peu la région. Donc au milieu de rien, absolument de rien. Mais qu'est-ce qu'il a réussi? C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Moi, quand je pense, par exemple, à l'état horrible de mon pays, des gens avec les mêmes moyennes, il y en a beaucoup, mais qu'est-ce qu'ils font avec des sous comme ça? C'est d'évadre les impôts et après acheter la 15e Ferrari ou des choses comme ça. Donc, de voir qu'il y a encore quelqu'un au niveau mécénatis de l'ancienne Rome, c'est extraordinaire. Et surtout les succès qu'il a réussi. Parce qu'il a réussi aussi à convaincre, ça c'est grâce au fait qu'il s'est un homme avec un certain leverage. Il a un peu de pouvoir parce qu'il est à la tête d'une grosse usine nord-américaine. Et donc, il a réussi à convaincre les politiciens aussi de l'intérêt de faire quelque chose comme ça. Donc, c'est de la recherche pure. A priori, il y a des applications dans le développement des quantum computing. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Donc, a priori, il peut avoir une application dans ce style-là, mais l'idée, vraiment, c'est de faire de la recherche pure et dans les domaines les plus difficiles qu'il y a. Donc, du coup, dans ce domaine de quantum computing, qui c'est très difficile, dans la gravité quantique, dans la théorie des cordes, dans des domaines même un peu plus abstraits, un peu plus philosophiques. Par exemple, il y a des chercheurs là-bas qui sont embauchés pour travailler sur les Foundations of Quantum Mechanics, qui est un domaine très très rare à trouver dans une université moyenne, parce que c'est vraiment à la frontière avec la philosophie, en effet. Parce que du point de vue scientifique, comment on peut dire, d'un point de vue scientifique réductionniste, la mécanique quantique, ça marche. On comprend pourquoi ça marche au niveau mathématique, ça va. Par contre, au niveau plus philosophique, on ne comprend pas vraiment qu'il y a derrière la mécanique quantique, pourquoi les choses sont probabilistiques, pourquoi il y a l'indétermination, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui existe vraiment. Donc il y a des gens qui s'intéressent à ces débats-là, mais c'est rare. Et donc le fait d'avoir un endroit où on peut débattre tout ça, c'est très intéressant. Donc du coup, il a créé ça. C'était un succès extraordinaire. Il y a déjà, sont passés 10 ans, et quand on regarde cette table des classifications des centres de recherche mondiales, il est déjà au niveau, je ne vais pas dire au niveau Princeton ou MIT, mais il est déjà au niveau entre les premières 20 centres de recherche du monde. C'est vraiment, et du coup, il s'arrive aussi à embaucher des gens très très forts. Par exemple, Stephen Hawking, il a visité récemment, et son collègue Neil Turok, qui était professeur avec lui à Cambridge, il est maintenant le nouveau directeur. Donc il y a vraiment des gens pas mal. Et donc du coup, j'ai eu cette chance d'aller là, parce que ça a été 3 ans magnifiques, où vraiment j'ai eu la possibilité de faire ma recherche complètement libre. Ça, c'est aussi une nouveauté de cette centre d'institution. Les postdocs, c'est pas trop connu en France, mais c'est très commun dans le reste du monde. Quand on termine la thèse, suivant, c'est encore trop tôt pour comprendre la valeur d'un chercheur. Donc, c'est pas les bons moments pour un poste permanent. C'est trop tôt. Bon, il y a des endroits, par exemple, les mathématiques, où c'est un peu différent. Parce que vraiment, la mathématique, on la voit tout de suite. Si quelqu'un... En fait, du coup, les meilleures contributions faites à la mathématique ont été faites par des gens qui n'avaient même pas 20 ans. Donc, mathématiques, c'est un peu différent. En fait, ça reste encore au CNRS particulièrement. Les faits que des gens terminent la thèse, ils sont embauchés directement. Mais dans la physique, ce n'est pas ainsi évident que ça. Et donc, surtout, ce n'est pas ainsi facile que ça d'avoir un poste permanent. Et donc, petit à petit, c'est très développé dans le monde l'idée de postdoc, que c'est un contrat d'un an, 2 ans, ou quelquefois 3 ans, qui te permet de travailler dans un centre, dans une université. Et après, tu postules, tout bouge beaucoup, en effet, dans ces métiers. Moi, comme j'ai dit, j'ai commencé à Rome, après Cambridge, après Canada, maintenant en France. Et je connais des gens qui ont voyagé beaucoup, changé d'habitation beaucoup plus que moi. Et donc, après, c'était pendant mon période au périmètre que j'ai commencé à postuler pour les CNRS. Et j'avais des contacts, notamment ici à Marseille, avec des gens que j'avais travaillé. Des contacts à Lyon, et donc du coup j'ai fait mon concours CNRS, et finalement je suis rentré en 2008. C'était extraordinaire, donc j'étais très content d'être réussi et d'être affilié ici à Marseille, que c'est vraiment très bien. Je suis très proche de l'Italie et c'est exceptionnel de travailler ici, donc je suis bien content. Et j'ai gardé un peu toujours mon domaine principal a été en particulier approche au problème de la gravité quantique qui est très développé ici en France, qui s'appelle la gravité quantique à boucle. Donc ça a resté plus ou moins toujours mon thème principal, avec des intérêts aussi autour de là. Mais maintenant je suis partie de l'équipe de gravité quantique ici au CPT. Alors, comme je disais, l'organisation là au Canada, c'était qu'il y avait 4 groupes au début. Maintenant, ça a un peu changé parce qu'il est devenu plus grand. Mais il y avait Foundations of Quantum Mechanics, Quantum Information and Quantum Computing, Théorie des cordes et Gravité quantique. Et Gravité quantique, ça prend un peu toutes les approches qui ne sont pas Théorie des cordes. Et donc, je suis rentré dans ces groupes-là et j'ai travaillé surtout sur la gravité quantique à boucle. Donc, j'ai travaillé par exemple là-bas avec Liz Mollin, qui avait Carlo Rovelli qui est ici, ce sont les 2 personnes qui ont un peu proposé cette idée nouvelle au début des années 90. Et là, j'ai collaboré avec beaucoup de gens. On avait vraiment un groupe très intéressant. Notamment, j'ai collaboré beaucoup avec Etera Living, qui c'est une collègue qui maintenant il est aussi au CNRS, il est à Lyon. Et c'était une belle atmosphère. Parce qu'il faut dire que, suivant la physique théorique, au contraire de la physique expérimentale, c'est une entreprise un peu plus individuelle. On cherche toute seule à essayer à comprendre. Mais ça, je trouve, c'est une limite. Parce que vraiment, vu la complexité du problème, c'est très important de travailler bien en équipe. Et donc, c'est très important de se trouver dans un domaine où on peut bien collaborer l'une avec les autres. On peut s'échanger les idées, on peut s'échanger l'effort, collaborer, écrire des papiers ensemble, développer chacun les idées des autres. Ça, c'est très important. Suivant, ça arrive qu'il y ait un domaine, ça s'arrête à cause du fait que chaque chercheur travaille un peu dans sa propre direction, sans vraiment s'intéresser à ce qu'ils font les autres. Et ça peut marcher, bien sûr, surtout si c'est un génie, mais ça risque de sécher un peu tout. Donc c'est très important de se fertiliser l'un avec l'autre, fertiliser ses propres idées. Et donc c'est pour ça que c'est très important aussi d'avoir des meetings, des conférences pour s'échanger les idées, pour se tenir au courant. Et notamment, c'est très important de le faire aussi avec des approches différentes. Donc, par exemple, là, j'ai parlé de l'approche de la gravité quantique à boucle. C'est très différent de l'approche de la théorie des cordes, mais fondamentalement, on va essayer de répondre aux mêmes questions. Donc, c'est très bien quand il y a des interactions entre les deux approches. Moi, par exemple, je collabore avec Sergei Alexandrov à Montpellier. Lui, c'est un cordiste à l'origine, mais il travaille aussi en gravité quantique à boucle. Donc, on s'échange les idées. Il y a eu des conférences organisées expressément pour essayer de mélanger les deux idées. Et surtout, qu'est-ce que c'est bien, c'est que même si les deux approches sont très différentes, si vous voulez, on peut en parler, sont très différents, pas seulement du point de vue mathématique, mais vraiment de l'approche physique, sont très différents, mais quand même, certaines questions sont pareilles et on peut en tout cas discuter notre idée et ça permet toujours d'aller plus loin, confronter des idées différentes. C'est toujours... thèse, antithèse, après une synthèse, non, on peut aller plus loin, ça c'est très bien. Cette origine de la différence est bien connue historiquement, ça vient du fait qu'il y avait toujours des communautés un peu séparées, la communauté des gens qui travaillaient sur la relativité générale et la communauté des gens qui travaillaient sur la physique des particules. Et donc c'est rien d'étonnant parce que ça vient... Ces différences dans les approches, ça vient de ces deux origines différentes, qui traitaient des problèmes très différents, avec des formalismes mathématiques très différents, et des notions physiques très différentes. C'est un peu ça, la grosse difficulté du problème, en effet. Je ne sais pas si vous avez un peu essayé de vous tourner la tête et de vous casser la tête sur tous les problèmes interprétatifs qui sortent une relativité restreinte, non? Tous les paradoxes ou les paradoxes apparents, c'est très casse-tête, non? Ben, relativité générale, ça devient encore pire. Donc, il y a beaucoup de notions intuitives qu'il faut abandonner. Et c'est pareil en mécanique quantique, il y a beaucoup d'intuitions intuitives qu'il faut abandonner, sauf qu'elles sont différentes. Donc, quand on les met tous ensemble, on reste vraiment avec trop peu d'intuition. Alors, on doit s'appuyer quelque part. Et donc les gens avec des préférences pour la physique des particules, ils s'appuient sur certaines notions, et les gens avec origine et relativité générale sur des autres. Et donc c'est là que c'est dur à séparer, mais dans les années, en France notamment, il y a eu beaucoup d'efforts pour essayer de garder les approches un peu plus en communication l'une avec les autres. Et donc j'espère que dans les prochaines années il y aura un peu, au moins une fusion partielle, donc du progrès commun, pourquoi pas, ça sera très bien, parce qu'en tout cas c'est vrai qu'on est tous les deux, on est très loin, on a des arguments intéressants, mais tous les deux on est vraiment très loin de répondre à les questions plus importantes. On est aussi en désaccord total sur certaines choses, et ça c'est très bien parce que ça montre la richesse, et dans ces cas-là, peut-être qu'il y aura une seule des approches qui est correcte, ou tous les deux ne sont pas corrects. Donc ça arrive, notamment par exemple, ça arrive à... Il y a peut-être, vous avez entendu parler du problème de l'énergie sombre, que les gens qui viennent de la physique des particules considèrent ça un des plus gros problèmes de la physique théorique, que pour les gens qui viennent de la réalité générale, en fait, ce n'est pas un problème du tout. Il y a une explication très simple. Et plutôt, les vrais problèmes, ça vient du fait que les gens qui font de la physique des particules, ils insistent à donner une interprétation physique à une certaine quantité, l'énergie du vide, et qu'en fait, on ne l'a pas. C'est bon, mais là, donc il y a des choses sur lesquelles on est complètement pas d'accord, mais c'est bien parce que ça permet de se disputer sur des idées différentes et finalement l'une ou l'autre aura raison. Ça c'est sûr. Et par contre, nous, on a aussi des problèmes, par exemple, dans le cas de la gravité quantique à boucle. Peut-être l'idée plus fondamentale, la plus importante, c'est le fait que l'espace-temps il est granulaire à l'échelle les plus petites. Et sur ça, les gens qui font tirer des cordes ne sont pas vraiment d'accord. Enfin, au début, ils ne sont pas du tout d'accord parce qu'ils utilisent une structure de l'espace-temps qui est lisse. Mais après, il y a des effets non perturbatifs qu'ils discutent. Mais les points de départ, effectivement, un peu différents. Donc, pour les prochaines années, j'espère, heureusement, vont nous dire. Parce qu'a priori, soit nous, soit eux, on a des belles théories. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'essayer de pousser notre théorie jusqu'à la limite pour voir s'il donne quelque chose ou pas. Moi, par exemple, dans le cas de la gravité quantique à boucle, c'est un peu ça mon attitude. C'est un bel ensemble d'idées avec un formalisme mathématique très développé. Il fait pas tout à fait des prédictions, malheureusement, mais quand même, il donne certaines idées sur ce que peut être la vraie structure de l'espace-temps. Donc maintenant, il faut vraiment pousser la théorie pour arriver soit à un point de rupture technique où il y a vraiment des inconsistances, soit à une vraie prédiction où donc on peut la contrôler, confronter avec ce qu'on voit et dire ah, c'est bon ou c'est pas bon. Ça, c'est toujours l'esprit. Et moi, j'ai 33 ans, en effet, j'ai pas trop vécu tout ça. Parce que dans la physique théorique dure, ça fait un moment qu'il n'y a plus de prédictions qu'on a pu vraiment tester avec les expériences. Non, là, peut-être à la fin de l'année, finalement, on aura la confirmation de l'existence des Higgs. Mais Higgs, ça n'est que 70, début des années 70. Donc, j'étais loin d'être né. Donc, voilà. Donc, peut-être, du coup, ce sera mieux s'il ne les trouve pas. Comme ça, au moins, il y aura quelques alternatives à trouver. Mais au moins, c'est presque sûr. Vu qu'est-ce que j'ai vu à la fin de l'année dernière, ces petits boss, c'est une belle indication. Bon, il y avait un petit boss similaire quand ils ont arrêté l'EP. Donc, c'était début des années 2000. Et finalement, cette boss, c'était un faux signal. Donc, ça peut encore arriver. Donc, on attend encore... de voir les surprises qu'ils arriveront à la fin de l'année. Alors, pourquoi on a besoin? C'est parce qu'on ne comprend pas vraiment l'univers où on habite. On a un modèle, on peut dire un modèle magnifique de physique des particules, qui s'appelle le modèle standard, qu'il est très bien, ça marche, mais c'est un modèle phénoménologique. Il y a des choses notamment qu'on ne comprend pas du tout dans ces modèles-là. Et plusieurs choses ont à voir avec la force gravitationnelle, que donc du coup, normalement, elle n'est même pas inclue dans les modèles standards. En effet, on dit qu'on a deux théories différentes, une théorie classique pour la relativité générale et une théorie pour la matière, les autres trois forces, c'est des modèles standards. Ça, ce n'est pas tout à fait correct, parce qu'en effet, on a une interprétation perturbative, comme on dit, de la gravitation, qui ça rentre très bien dans les modèles standards. Donc on peut dire qu'on a ce modèle pour les quatre forces et pour la matière, qui décrit très très bien les phénomènes simples. Phénomènes simples, bien sûr. Phénomènes complexes, après c'est autre histoire. C'est très bien connu que quand on essaye de décrire un système complexe, même si les lois sont très simples à la base, il peut y avoir des comportements émergents qui sont super compliqués. C'est pour ça que c'est très difficile de faire de la biologie. Même si on a tout compris au niveau basique de l'électromagnétisme, la biologie c'est fondamentalement de l'électromagnétisme, mais on n'arrive pas vraiment à la comprendre. C'est à cause de sa complexité, pas à cause du fait qu'il y a que c'est compliqué à la base. Par contre, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne comprend pas à tous les niveaux. Par exemple, la matière. On pense avoir compris la matière, mais en effet, la façon qu'on comprend la matière, il y a beaucoup de questions qui restent ouvertes. Par exemple, il y a ces structures des quarks et leptons. Peut-être vous avez entendu parler, vous avez vu ces petites tables avec les 6 quarks et les 6 leptons, après multipliés par les 3 familles des couleurs pour les quarks. Et donc une table comme ça, normalement il y a une sous-structure derrière. C'est un peu comme la table de Mendeleev, non? Mendeleev, il a écrit ces tables, après les gens ils se sont un peu gratté la tête, mais là si on a que toutes les choses dans l'axe vertical, là, ils ont tous des propriétés qu'on appelle métalliques, qu'ils oxydent. Il y a des choses là qui ont des propriétés réductives, qui se font oxyder. Peut-être il y a quelque chose derrière qui cache cette, qui peut expliquer ces structures. Et bien sûr, c'était les orbitales. Et qu'est-ce que, finalement, qu'est-ce qu'importe, c'est la forme de l'orbital, les types de l'orbital préextérieur qui déterminent ces propriétés. Donc il y a une sous-structure derrière. Là, peut-être c'est la même chose. Peut-être il y a une sous-structure derrière, parce que vraiment la régularité, ça suggère ça. On n'a aucune idée de qu'est-ce que ça peut être, ces structures qu'il y a derrière. La masse de ces particules, ça reste un des plus grands problèmes ouverts de la physique. Quand ils ont décrit les modèles standards, quand ils ont découvert qu'il y avait une façon mathématique de décrire les interactions fondamentales entre les particules en termes des théories de champ qu'on appelle théorie des jauges, c'était un progrès exceptionnel, mais il y avait un gros problème, c'est que cette interaction-là, ils n'acceptaient pas la présence des particules massives. Et donc, du coup, les modèles redevenaient inconsistants les moments qu'on essayait d'insérer dans les modèles l'information phénoménologique. En effet, il y a de la masse inertielle. La solution de Robert Braut, Engel et Higgs, notamment, c'était d'imaginer que cette masse, on ne va pas vraiment la penser comme une certaine inertie associée avec la particule, mais on va plutôt imaginer que c'est une inertie due à la viscosité d'un fluide autour de toutes les particules. Et donc cette viscosité elle est différente pour chacun particule. Et donc ça, bien sûr, ça va causer de l'inertie, c'est intuitif si vous voulez ça aussi. Et ces fluides, c'est les champs des Higgs, normalement maintenant ça s'appelle comme ça, et la perturbation, la vague, l'onde de ces champs, c'est les bosons des Higgs, c'est ça qu'est-ce qu'ils cherchent. Donc c'était une description alternative. Avec cette description-là, les modèles marchent, mais ça reste un modèle effectif, dans le sens qu'il y a des raisons mathématiques pour bien supposer que cette champ, le champ de Higgs, n'est pas un champ fondamental. Il doit avoir quelques autres descriptions, quelques autres structures pour lesquelles cette champ, c'est une description effective. Et peut comme dire que les champs électromagnétiques, c'est un peu une description effective du fait qu'il y a des photons vraiment derrière. C'est pas l'analogie que j'ai fait, ça va pas vraiment assez loin, mais c'est juste pour vous faire comprendre que ce qu'on veut dire quand on parle d'effectif, quelque chose qui décrit bien un phénomène jusque quand on regarde pas plus petit, ok? Donc ça, il y a quelque chose derrière, c'est cette origine de la masse qui c'est à découvrir. Mais surtout, qu'est-ce que c'est encore plus intéressant, c'est que même si on comprend de ça, finalement ça nous expliquera qu'une minuscule fraction de la masse, en fait, que très peu de la masse qu'on observe dans l'univers, en effet. Par exemple, déjà, ce modèle-là, il explique la masse des électrons. Mais la masse d'un atome, les contributions des électrons est négligeable. Qu'est-ce que c'est la vraie origine de la masse, en effet, c'est les noyaux. Les noyaux sont faits par les protons et les neutrons. Dans les modèles, les protons et les neutrons sont formés par des quarks, mais collés ensemble. Mais le problème, c'est que la masse de chaque quark obtenu par les modèles, par les mécanismes X, elle est vachement plus petite que la masse de protons tous ensemble. Donc, comment ça s'explique ça? C'est parce qu'il y a encore une contribution à la masse du proton qui ne vient pas de la masse de ses constituants fondamentaux. Alors, on se rappelle d'Einstein qui nous a expliqué qu'en effet, la masse, c'est rien, mais une certaine interprétation de l'énergie. Et qu'est-ce qui donne vraiment la masse de protons? C'est, pour plusieurs parties, c'est l'énergie potentielle qui tient ensemble les quarks. Alors ça, on imagine que c'est l'énergie potentielle de la force forte, énergie potentielle qui ça vient d'une certaine propriété de la force forte qui s'appelle la propriété de confinement, pour la raison propre qui fait un confinement des quarks pour les garder à l'intérieur des protons. Mais en effet, on n'a pas une dérivation théorique exacte de cet effet-là. On a des simulations sur l'ordinateur qui nous montrent que l'effet est vraiment là. Mais montrer que ça, c'est vraiment l'origine de cette énergie, que de la masse, ça vient de cette énergie potentielle, c'est un des gros prix dans la physique théorique. Je crois qu'il y a un American Foundation qui donne des millions de dollars et qui répond à ces questions-là. Pour faire les choses pire, même si on ne peut pas les prouver, plus ou moins on est tous convaincus que ça c'est l'origine, en fait, cette énergie potentielle. Mais même avec ça, on n'arrivera pas à expliquer toute la masse qu'on voit. Pourquoi? Parce que ça va vraiment expliquer très bien toute la masse qu'on voit par exemple sur la Terre. Les poids de la Terre, ça l'explique très bien. Les poids du système solaire, si je peux dire ça, je compte les poids du Soleil, la masse de la Terre, la masse de toutes les planètes, je les calcule et je vois qu'ils suivent très très bien les orbites newtoniennes par rapport à cette distribution des masses. Donc ça marche. Par contre, quand j'essaie d'appliquer la même intuition sur une galaxie, pas la nôtre, c'est un peu difficile à regarder parce qu'on est à l'intérieur, mais on peut regarder les galaxies qui sont au-delà de la nôtre, mais on s'aperçoit que les étoiles, dans les galaxies, surtout dans les galaxies à spirale, ils ne suivent pas vraiment les trajectoires qu'ils ont prévues par la loi de Newton avec la distribution des masses qu'on voit. Donc la distribution des masses causée par les protons, les électrons, pour lesquels on connaît l'origine de la masse, ou on croit connaître. En effet, il y a beaucoup plus de masse pour expliquer ces trajectoires qu'on voit. Donc là, soit en effet il y a de la masse qu'on ne voit pas, c'est pour ça qu'on l'appelle la matière noire, parce qu'on ne la voit pas, ou soit la loi de Newton sur les grandes échelles ne marche plus. Ça peut être soit l'un soit l'autre, c'est une question vraiment des sciences, déterminer les deux. Par exemple, vous connaissez très bien l'histoire de la découverte de Neptune, parce que c'est un astronome français qui l'a découvert, non? Parce que, du coup, les orbites des planètes extérieures, Saturne, Uranus, sont perturbés par la présence de Neptune, non? Donc en effet, au 19e siècle, les mouvements d'Uranus, par exemple, particulièrement, ils n'étaient pas vraiment en accord parfait avec les prédictions newtoniennes. Donc les gens, ils avaient dit, mais s'il y a une planète que je ne vois pas, donc on peut l'appeler la planète noire, parce qu'elle est trop sombre, je ne la vois pas, s'il a cette masse-là et cette trajectoire-là, il peut expliquer les perturbations. Donc les gens l'ont cherché, et l'ont trouvé. Donc grosse victoire pour la théorie newtonienne, prédiction de notre planète. Une histoire similaire s'est passée un peu plus tard pour Mercure, parce que Mercure aussi, il y avait des fluctuations qui n'étaient pas vraiment d'accord avec la théorie newtonienne. Donc les gens ont essayé la même explication. Bon, ça a marché une fois, ça va marcher à nouveau. Peut-être il y a une autre planète à l'intérieur qui perturbe Mercure. Ils avaient appelé ça Vulcan, je crois. Ils l'ont cherché, mais ils n'ont pas trouvé. Parce que dans ces cas-là, les problèmes, ce n'était pas qu'il y avait une planète qu'on ne voyait pas, c'était que la loi elle était déformée. Parce qu'on était assez proche du Soleil, puisqu'on pouvait voir les déformations par rapport à la loi de Newton causées par les effets relativistes, donc causées par la courbure de l'espace-temps, la vraie compréhension qu'on a maintenant de la gravité due à Einstein. Donc on est peut-être dans une situation similaire maintenant. On a ces courbes de rotation des galaxies qu'on ne comprend pas. La plupart des gens pensent que c'est parce qu'il y a de la matière qu'on ne voit pas, donc la matière noire. Par exemple, ça peut être de la matière supersymétrique. Ou il y a des gens qui pensent que ça peut être qu'en effet, il y a quelque chose qu'il faut modifier dans notre compréhension de la gravité. Donc, il y a les deux approches. Donc, comme je disais, dans les problèmes de la matière, on ne comprend pas trop. Donc il y a beaucoup de choses à comprendre et c'est pour ça qu'on continue la recherche et on pense que les réponses elles peuvent être dans une théorie des gravités quantiques. Par exemple, une chose super étonnante qui n'a aucune intuition, c'est pourquoi la gravité est si faible que ça. Pourquoi? Parce que pourquoi l'univers est si grand que ça? L'univers est énorme parce que sur les grandes échelles, les trois forces fondamentales, on ne les voit pas parce que la force forte et la force faible sont des forces à très courte range. Et la force électromagnétique, qui est à range infini, comme la force gravitationnelle, on ne la voit pas parce que normalement les objets sont neutres. Alors c'est la force gravitationnelle qui détermine tout, mais elle est vachement faible parce que ça permet cette énormité des dimensions de l'univers. En effet, qu'il est faible, on le sait très très bien. Parce que même s'il y a toute la Terre qui tire ce stylo, moi je peux gagner la force gravitationnelle de la Terre avec facilité. J'ai aucun effort à faire pour gagner de 30 cm l'attraction gravitationnelle. Et pour les faire, j'utilisais la force électromagnétique, c'est ça que j'utilisais finalement. Donc la force électromagnétique, intrinsèquement, elle est énormément plus forte. Donc pourquoi? Ça, c'est une question extraordinaire. On pense qu'il peut avoir une explication naturelle à ça. Par exemple, l'intensité des forces, on a découvert que l'intensité des forces n'est pas fixe. Ça dépend des échelles auxquelles on les observe. Donc par exemple, même la force électromagnétique, j'ai dit, elle est intrinsèquement beaucoup plus forte que la force gravitationnelle, mais Ça, c'est aux échelles macroscopiques de ces stylos, de moi-même. Si je regarde, si j'ai fait une expérience pareille, mais sur des échelles vachement plus petites, au niveau 10 à la moins 10 mètres, au niveau échelle des atomes, des noyaux, des atomes, je m'aperçois qu'il n'est plus comme ça. L'intensité de la force change. Pourquoi ? Ça, c'est à cause du fait que de cette extraordinaire description de la nature posée par la mécanique quantique. L'effet qu'elle est vide, elle n'est pas vide. Donc, quand je regarde sur des échelles microscopiques, je suis en train de m'apercevoir qu'en fait, elle est vide, elle n'est pas vide. Il y a toujours des couples, des particules virtuelles qui se forment. Ça, c'est la description mathématique, au moins. Mais grâce à ça, l'effet physique effectif, c'est que la charge de l'électron, par exemple, l'origine de la force électromagnétique, de cette interaction-là, elle n'est plus, on ne peut plus penser qu'elle est vraiment associée à une unique particule ponctuelle. Mais ça devient quelque chose d'étalé, sur une région d'espace fini, parce qu'il y a tous des couples positrons-électrons. Et bon, il y a un électron plus que tous les couples, mais on ne sait plus où qu'elle est. Donc on ne sait plus vraiment où se trouvent ces charges fondamentales, ça se distribue. Donc cette magie du vide, ça amène beaucoup des effets. Un des effets qu'ils amènent, c'est que l'intensité des forces change. Donc il y a une échelle, et ça on l'appelle l'échelle de Planck, à laquelle on imagine que l'intensité de la force électrique et l'intensité de la force gravitationnelle sont les mêmes. Donc après, ils te font une théorie qui ça te confirme, oui, ça c'est vrai. Et après, ça te montre, dans les formalismes mathématiques, que quand tu changes des échelles, une certaine force devient très très faible et l'autre reste plus fort que l'autre avec une telle différence des magnitudes due aux différences des échelles entre nous, objets macroscopiques, et l'échelle des Planck. Donc c'est ça qu'on cherche, par exemple, comme possible réponse. Et chercher des réponses comme ça, c'est vraiment compliqué. En effet, les problèmes de la gravité quantique, ça existe depuis qu'existe la gravité, parce qu'en effet, les deux théories ont été développées plus ou moins en même temps, la théorie de la gravité générale d'Einstein et la théorie des quantas. Et donc, rapidement, les gens, ils ont essayé de les mettre ensemble. Mais on n'y arrive pas parce que vraiment, ils utilisent des formalismes et des idées physiques très, très différents. Donc, les progrès sont longs, malheureusement. Mais il y a quand même des idées intéressantes qu'ils ont sorties dans cette entreprise des 70 ans. Notamment, l'idée, par exemple, qu'on met ensemble des idées très intéressantes. Une de la relativité générale, comme l'existence des trous noirs, et l'autre, de la mécanique quantique, l'existence des quanta, on découvre que les trous noirs sont forcément chauds. Ça, c'est l'effet Hawking. Jamais mesuré, mais tout le monde est convaincu que ça doit être vrai, parce qu'il utilise vraiment les aspects plus basilaires et plus beaux de théorie qu'il y en a, et qu'indépendamment, qu'on est très bien, il marche. Donc, il y a de progrès intéressants, mais il y a encore beaucoup de progrès qui manquent à faire. Donc, l'entreprise, ça reste très intéressant. Et on continue. Donc, pour moi, ça reste la nécessité de vraiment essayer d'expliquer la structure des bases de l'univers où on habite. L'origine des forces, l'origine de la matière, les Big Bang, qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Après, il y a aussi des raisons intrinsèques, comment je peux dire, plus mathématiques, pour chercher cette unification, qui sont dues au fait que si on prend les deux théories indépendamment, la mécanique quantique est d'un côté et la relativité générale de l'autre côté, en effet, ils ont une limite. Ils ne sont pas valides à toutes les échelles. Et ça, c'est très très bien. Parce que c'est souvent comme ça qu'on fait du progrès dans la science, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une limite dans la validité d'une théorie, alors on la pousse précisément là où on sait qu'elle est faible, pour voir où ça casse et pourquoi ça casse, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui va prendre son place. Dans les cas de la réalité générale, la limite... Une des limites très importantes sont les singularités. Par exemple, on a une description de la réalité générale d'un objet astrophysique très étrange, qui c'est les trous noirs. On les voit, effectivement, mais non, on mesure avec précision les propriétés des trous noirs, la masse et la rotation, c'est exceptionnel. Donc, ils existent vraiment, même s'ils ont un peu des objets fous. Par contre, on sait bien qu'est-ce qu'on voit, c'est l'extérieur du trou noir. La même solution mathématique qui... est bien en accord avec ce qu'on observe, elle a un problème, parce qu'au centre de ces trous noirs, cette description mathématique, il n'y a plus de sens. on pose la question à la théorie, quelle est la courbure au centre du trou noir ? Réponse infinie. Quelle est la densité d'énergie au centre du trou noir ? Réponse infinie. Toutes les fois qu'une théorie mathématique te donne comme réponse infinie, c'est un problème. Il y a quelque chose qui ne marche pas, donc il faut corriger. Et donc on pense qu'il y a quelque chose à corriger dans la description du trou noir fait par la réalité générale. Et ça, on le pense parce qu'effectivement, l'histoire nous a montré que c'est une bonne façon de procéder. Parce que les mêmes, c'est vrai pour l'atome, pour les atomes. Quand on regarde la description de l'atome faite par la théorie classique de l'électromagnétisme, il y a les mêmes problèmes. Parce qu'on peut avoir des orbites stables autour de l'électron, donc je parle des orbites des électrons autour du noyau, à n'importe quelle distance du noyau. On peut être très très proche, sans limite proche, et le plus on est proche, le plus la différence d'énergie avec l'électron libre, ça devient infini. Donc la réponse, quelle est l'orbite plus stable, l'orbite plus petite, la plus stable, et quelle est son énergie ? C'est une réponse en sens mathématique, parce que l'orbite est zéro et son énergie est infinie. Donc là, il y avait un problème, parce que donc du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment, l'atome il ne peut pas vraiment exister, parce qu'au plus, on sait bien que quand tu as un électron dans une orbite circulaire, donc accélérée, donc il va perdre de l'énergie pour émission des radiations. Et donc du coup, il doit tomber vers cette orbite limite, l'orbite plus petite. Si l'orbite plus petite est le centre du noyau, ben, l'électron il n'y a plus, il s'est écrasé avec les protons. Et donc on ne peut pas vraiment expliquer les atomes. Et là, c'est la mécanique quantique qui nous a expliqué, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas penser l'électron et les protons comme des petites boules qui tournent. Ce ne sont pas ça. En effet, ce sont des excitations quantiques d'un certain champ, les champs électroniques et les champs de protons, qu'ils se comportent comme des particules, si on veut, mais en effet comme des particules bizarres. Pas comme des particules que je peux concentrer dans un seul point, par exemple. Donc ça n'existe pas de les mettre dans un seul point. Le mieux que je peux faire, c'est de minimiser la relation d'indétermination de Heisenberg. Et donc c'est ça qui prend les places de la notion d'orbite minimale de la théorie classique et nous explique la stabilité de l'atome. Donc on s'attend à quelque chose de similaire. La relativité générale nous dit que je peux avoir une densité infinie, une courbure infinie au centre du trou noir. Peut-être que la solution, c'est qu'il n'y a pas de sens de parler du centre des trous noirs comme si c'était un point exact, comme il se passe dans la réalité générale. Peut-être qu'il y a une structure discrète de l'espace-temps aux échelles plus petites qui replace la structure lisse et résoudre ces problèmes-là. Par exemple, c'est ça qui se passe exactement dans la théorie de gravité quantique à boucle. On trouve que les champs gravitationnels, les quantifiés, il y a un spectre, un peu comme ils arrivent dans l'atome d'hydrogène. On trouve que les champs de l'électron, il est quantifié, il a un spectre, et particulièrement ce spectre, il est discret pour qu'est-ce qu'il concerne, par exemple, la distance moyenne de la nouage électronique du noyau. Donc on s'attend, par exemple, que notions comme la courbure, ou même les volumes, les distances eux-mêmes, ils ont en effet des spectres discrets, et donc il n'y a pas vraiment des notions des volumes, des notions de courbure au-delà d'une certaine échelle. Donc c'est un peu ça l'analogie. Pour l'atome d'hydrogène, les gens ont fait la prévision, ont vraiment mesuré les effets qui venaient de ces descriptions, c'était extraordinaire, donc la révolution des quantes. Pour la gravité quantique, c'est beaucoup plus difficile, parce que la prévision, c'est que ces discrétisations, c'est visible à des échelles qui sont de 10 à la moins 33 mètres. Alors ça c'est très très loin de ce qu'on peut atteindre maintenant. Par exemple, la structure subatomique à 10 à la moins 11 mètres. On peut arriver avec des expériences, on peut arriver à 10 à la moins 17 mètres. Très très loin encore de qu'est-ce qu'il nous faut vraiment pour tester ça. Donc, qu'est-ce qu'on cherche ? C'est des effets macroscopiques causés par ces structures microscopiques de l'espace. Par exemple, on peut imaginer un exemple que les suivants font pour décrire cette idée-là, c'est de dire... cette table-là, elle est bien lisse. Donc, si je prends un ballon de foot et je le fais rouler, il va rouler tout droit. Mais si je prends une balle très petite, une petite bille, très très petite, peut-être elle va commencer à voir les petites imperfections de la table. Donc, si je la fais rouler pour 3 cm, ça va rester quand même droite, cette trajectoire. Mais au bout d'un moment, toutes les petites imperfections s'accumulent et je vais voir que là, finalement la trajectoire est différente de ce que j'avais prévu. Bon, là, on peut essayer d'imaginer quelque chose de similaire. Donc, il y a des gens qui disent, si moi je prends une particule, un rayon cosmique, par exemple, qui vient d'une autre galaxie, Donc il a voyagé pour des millions d'années-lumière. Peut-être que même si la particule elle-même, elle n'est pas sensitive à la structure à 10 à la moins 33 mètres, peut-être que les minuscules corrections pédiabétiques, elles ont accumulé, elles ont formé un effet qu'on peut voir. Et donc, du coup, maintenant, c'est plus hérési de parler des phénoménologies de gravité quantique, parce qu'il y a des idées comme ça. Ça, c'est pas la seule. Et donc, il y a des expériences, notamment les expériences des visualisations des rayons cosmiques, ou du fond de radiation à micro-ondes. Et des gens, ils ont proposé qu'il peut avoir des effets qu'on peut essayer de voir dans cette expérience-là, qu'ils peuvent être justifiés, si les effets sont là, à partir d'une théorie de la gravité quantique. Donc, on n'a pas vu grand-chose pour le moment. C'est tout nouveau, c'est dans les derniers 5-6 ans de discuter des choses comme ça ouvrement. Donc, l'espoir, c'est qu'effectivement, on peut avoir à un certain moment une certaine indication sur quelle est la bonne direction à prendre. Parce qu'un peu ça, c'est les problèmes. Normalement, la physique, on a une idée, on la teste, et l'idée est bonne, et l'idée n'est pas bonne. Et ici, on a beaucoup d'idées, certaines sont beaux, certaines sont moins beaux, mais en tout cas, c'est dur à les tester. Donc, on est un peu dans les vides. C'est un peu ça, un peu dans le noir. Un peu ça, les problèmes. Et à cause de ça, il y a beaucoup des approches différentes. Parce que les gens disent, bon, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il faut faire, donc je te dis moi qu'est-ce qu'il faut faire, il faut prendre cette direction-là.